une fois un grand capitaliste. Recherchant désespérément ses têtes de lisse. Il voulait sa tête en haut des affiches. Pour montrer à quel point il était riche. T'auras pas ma voix, je vais t'émanteler. On veut pas de toi, on veut te révolter. Il était une fois un grand politicien qui mangeait des sous et nous considérait comme des sous-chiens. Dans tous les parlements, il voulait siéger. On l'appelait Elio, Joël ou Gros Didier. T'auras pas ma voix, je vais t'émanculer. On veut pas de toi, on veut se révolter. T'auras pas ma voix, je vais t'émanculer. On veut pas de toi, on veut se révolter. T'auras pas ma voix, je vais t'émanculer. On veut pas de toi, on veut se révolter. De l'union, la désunion, combat de coq dans la fosse au lion. J'suis pas wallon, j'suis pas flamand, joins les deux bouts dans les nouants. J'veux du travail et un logement, votre droit de vote, c'est votre droit de vol. J'mets mon veto, j'prends mon envol.